Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbo Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler de jeux vidéo. C'est longtemps qu'on n'a pas parlé de jeux vidéo. Il y a un nouveau jeu qui est sorti, c'est LMB The Show. C'est mon jeu préféré. On en parle avec notre ami René Cadieux du site internet game-focus.com. Salut René. Salut. René, moi je trouve que c'est le meilleur jeu de sport. Pas à cause que je suis un fan de baseball en premier, mais c'est parce que ça et Touquet, je l'ai souvent dit que c'était les deux meilleurs jeux, puis je me trompe pas là-dessus. Moi, c'est des bons jeux, puis tu te trompes pas. C'est vraiment deux jeux qui vont chercher des publics différents quand même souvent, mais deux jeux complets, puis qui étrangement n'ont pas vraiment de compétition. Là. Oui, NBA, Touquet a NBA Live de EA, mais tu sais, loin de chausser les chaussures. Puis du côté du baseball, moi, on a RBI Baseball, mais lui aussi encore, c'est un jeu arcade qui est quasiment plus fun à jouer sur un cellulaire que sur console. Fait que Sony n'a pas vraiment de problème avec ce jeu-là. OK. Donc, si on y allait maintenant avec... comment tu as trouvé ça? Personnellement, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs de la série. Là. Ils ont fait des ajouts, ils ont modifié juste quand tu es dans l'ambiance, quand tu regardes une partie, des fois, tu as l'impression qu'ils ont de regarder une vraie partie. Ils ont Heidi Watney, en tout cas une commentatrice qui vient justement pendant les parties parler puis dire comment ça se passe. Puis j'ai pu discuter avec l'entraîneur pendant la manche et il m'a dit que mettons les joueurs ils étaient pas trop contents de leur performance, blablabla. Fait que tu sais, elle vient de donner un compte rendu dans la partie ou sinon t'as les commentateurs qui sont là tout le temps, qui vont rendre l'expérience agréable. Fait que oui, ça reste un jeu très complet au niveau de l'ambiance, au niveau de l'immersion, au niveau du visuel, c'est très beau. On a aussi au niveau des modes de jeu, on en a plein. On a le Home Run Derby qui est là, on a les modes Dynasty Warrior qui est le mode en ligne, c'est qu'on se crée une équipe et qu'on joue comme aux cartes. Là. Ceux qui jouent au jeu de EA, c'est comme les Ultimate FIFA, Ultimate NHL, tout ça. C'est le jeu de cartes, c'est qu'on va prendre des cartes. C'est dans celui-là que vous allez pouvoir dépenser de l'argent. Si vous voulez mettre de la vraie argent là, pour acheter des straps, qui est l'argent du jeu, pour justement acheter des paquets de cartes ou acheter dans le fond des paquets de cartes, parce que dans celui-là, on ne peut pas acheter de joueurs, fait qu'on achète des paquets de cartes, on va pouvoir le dépenser après ça, espérer d'avoir un joueur rare dedans ou des affaires de même. Mais si on ne veut pas dépenser de l'argent à chaque fois qu'on joue au jeu, à chaque fois qu'on ouvre le jeu ou qu'on joue à un mode de jeu, on nous donne une carte, peu importe un joueur un peu moins fort qu'un rare. T'sais, on n'aura pas un Bryce Harper en jouant quelques parties, mais dans le paquet, on a des chances. Sinon, on a des. À chaque fois qu'on finit un mode, on nous offre une carte. On a aussi, à chaque fois qu'on est connecté 9 jours en ligne, si on se connecte 9 jours en ligne, on te donne un paquet. Donc, tu sais, il y a plusieurs trucs pour nous récompenser, tous les modes. Sinon, aussi, on a le mode de jeu Road to the Show, qui est le mode carrière, qui est de retour, dans lequel on va justement pouvoir créer un personnage. Cette fois, ils ont mis ça, ceux qui jouent à des jeux de rôle, les affaires de même, RPG, qu'on appelle dans le jargon du jeu vidéo, c'est ceux-là sont choyés parce que dans ce mode-là, on est invité à modifier les joueurs. Après, on va faire au début, quand on le crée, on est invité à dire est-ce qu'on veut qu'il ressemble, mettons, à Ozzie Smith, est-ce qu'on veut qu'il ressemble à Gary Carter, des joueurs de même, puis qu'ils nous proposent justement une liste de joueurs à choisir. Là, ça, notre joueur va aller plus vers un joueur naturel, un joueur qui travaille fort. Puis après ça, il y a des modes, il y a le capitaine, il y a le cœur et l'esprit, l'âme de l'équipe, et il y a aussi le Lightning, un joueur qui est comme plus... ça, c'est comme trois types de catégories qu'on va pouvoir répondre au fur et à mesure qu'on va répondre à des questions. Parce que si vous avez joué au mode de Road to the Show, il y a des questions des fois que votre entraîneur parle ou les autres joueurs, puis tout dépendant de vos réponses, ça va aller soit une réponse pour le capitaine, une réponse pour Art and Soul, une réponse pour le Lightning Rod. Fait que ça va améliorer. Le bonhomme, il va être comme plus fort dans certains aspects en choisissant telle catégorie. Puis on va pouvoir justement dépenser tout dépendant des entraînements, ça va de même dépenser les points justement pour être plus fort dans d'autres trucs. Fait que tu sais, il y a des mini-jeux, des poisalta, des lancers, des circuits. On va dans la cage, on a des jeux sur le téléphone, dans le jeu. Il y a plein de trucs dans ce mode-là. Ensuite de ça, on a le comme on disait tantôt, le mode dynastie, il y a les modes bataille royale, puis conquête, tout ça qui sont de retour. C'est qu'il faut essayer de conquérir la map, la carte avec les fans, tout ça. Sinon, une des grosses nouveautés, c'est le March to October. C'est un mode où c'est qu'on qui est comme plus facile. On va juste jouer des moments. On va prendre, mettons, des équipes qui sont placées par catégorie. Mettons, les Red Sox, les Indians, puis tout ça, puis les Yankees sont, mettons, les prétendants au trophée. On a une équipe un peu moins, tu sais, un peu plus, qui sont presque prétendants, mais qui sont un petit peu juste en dessous. On a les milieux, puis on a les underdogs. On va retrouver des équipes comme Tampa Bay, Seattle, ces affaires-là. Futures Expos? Non, malheureusement, on peut la faire. Non, mais Tampa Bay, c'est les Futures Expos. Ouais, OK, les Futures, ouais, j'ai compris. Il y a-tu les Expos? Ouais, avec la chance, les Futures Expos, on croise nos doigts là-dessus, ici aussi. Fait que, on peut les prendre, puis on va être invité justement à rentrer, mettons, à vivre des moments comme au début de la première fois quand on choisit une équipe. Mettons, moi, j'ai justement pris Tampa Bay, puis on nous invite justement à dire vous êtes en sixième manche et 2-1, gagnez le match pour avoir plus de être hot, là, pour que l'équipe soit plus en feu. Fait que là, tu joues, là, t'essaies de jouer le match, là, si tu le gagnes, mais justement, ton équipe est en feu, elle va gagner une série de victoires, parce que c'est pas toi qui contrôle toutes les parties. Puis si tu la perds, ben, l'équipe va être... comment dire, geler son appel, elle va être plus faible, on va avoir plus de misère à gagner les parties. Mm. Et ainsi de suite, on peut être invité à frapper un circuit et des affaires de même. Mais aussi l'ajout du mode moment. Ça, c'est des moments comme clés. On va jouer, mettons, le Batista Bat, là, ceux qui ont joué à. Ceux qui connaissent les Toronto, c'est ça. Mais dans les jeux, c'est un peu plus rare, mais ici, il faut que tu refasses la même affaire. Il faut que tu frappes un circuit absolument pour qu'il flippe son bat puis qu'il s'en va au premier but dans la série, puis il y a plein de trucs de même, mettons, tu rejoues les belles années, mettons, de Babe Ruth, tu peux jouer d'autres joueurs comme Frank Thomas ou un joueur qui connaît un match où ils vont te placer aussi. Si les Red Sox avaient gagné leur série, que ça aurait changé, et ainsi de suite. Fait que tu sais, c'est plein de moments à jouer de même dans le jeu. Fait que tu sais, c'est un autre mode intéressant. Fait que tu sais, des modes de jeu, il y en a à la pelletée. C'est complet, c'est intéressant, on peut pas dire... Je n'ai pas vraiment de plate. Là. Celle que j'aime moins, c'est la Dynastie, puis c'est juste à cause qu'il faut jouer la plupart des matchs en ligne. Puis des fois, on tombe sur des gens qui ont des connexions de schnout, si on veut. Là. Ça ralentit, ça lag, puis on lance la balle, puis oups, ça l'apparaît. Fait que t'as même pas l'impression de. Ça va pas tout le temps où tu veux, puis pourtant tu t'es placé, mais il y a comme un délai entre le temps que t'as pesé puis le temps qu'elle y va. Fait que c'est le côté, c'est tout ce que je trouve comme point plate, ça. Puis parfois, il y a peut-être des bugs. J'ai eu des bugs de son, c'est que le son apparaissait pas. Mais j'ai réinstallé, j'ai replacé le jeu, puis ça semble être correct. Est-ce que c'était juste un bug du moment ou quoi de même qui avait mal rentré? Mais ça peut vous arriver, soyez pas étonnés. Fait que oui, ça reste un jeu complet, un jeu intéressant, un jeu qui va plaire à tout le monde. Oui, pour son prix, c'est toujours 91$ avec les taxes qu'on la jette, mais il vaut notre 91$ parce qu'il y a du baseball en masse pour ceux qui aiment ça. Puis c'est une expérience la plus proche de la réalité autre qu'aller jouer dehors. Là, mais c'est un des meilleurs jeux qu'on a. Puis oui, cette année encore, il a su faire... parce que c'est Sony San Diego qui s'occupe de ça. Ouais. Aurait pu s'asseoir sur leur laurier. Ils sont tout seuls. Il n'y a personne. Même RBI Baseball est loin d'être là. Fait que ils n'ont vraiment personne qui les dérange, personne qui court après. Puis même à ça, ils décident de nous offrir un jeu plus complet, revampé, un jeu remodelé justement. Ils font des ajouts. Fait que c'est juste pour ça, on leur lève notre chapeau cette année. OK. Donc, tu lui donnes un 8.5, un 9? Ah non, un 9 cette année avec un choix d'éditeur. Là, où il est vraiment venu nous chercher. Ça a vraiment été un plus, un ajout intéressant. Puis, tu sais, oui, ils ont vraiment fait l'effort cette année. Mais on ne peut pas donner plus parce qu'ils ne méritent pas plus. Bon, ben 9, c'est déjà très bon. Ouais. Hey, attends-moi deux secondes. Ouais, je veux t'emmener sur d'autres choses, René, OK? Est-ce que tu es là? On est en onde, René, on est en onde. Faut pas oublier, c'est de la radio... Oui. Oui, on était parti, René. Excuse-moi, J'ai eu un trouble ici, votre problème. OK, donc on est en. René, je voulais te parler d'un deuxième aspect. Ça a sorti il y a quelques semaines. C'est un genre de Netflix de jeux vidéo. Comment tu vois ça? Moi, je pense que. Je lisais les gens qui disaient à un moment donné que c'était. Il y avait quelque chose de. C'était l'avenir. Moi, je pense qu'on est peut-être. Est-ce que ça va dépendre de la collection Internet, hein? Mais oui, ça va jouer. Mais c'est là que ça va jouer, mais je pense, parce qu'il y a beaucoup de monde encore qui n'ont pas l'Internet à haute vitesse. Mais d'ici 8 à 10 ans, moi, je pense qu'on s'en va vers là. La console de jeux vidéo comme on connaît, ça n'existera plus. Non, tranquillement. C'est ce que toutes les compagnies ont l'air de vouloir s'aligner vers un jeu, c'est qu'ils n'ont justement pas de CD, pas de physique. Comme les films. Oui, un peu à la Netflix. C'est comme dans le fond, on regarde Netflix, tout ça. Il y a plusieurs, tu sais, TVA, on leur branche. On a ici tout.tv, on a Netflix, on a Disney qui s'en vient avec un channel, on a Crave, c'est ça, il y a tout s'en va là-dedans, on veut nous offrir un divertissement de même, c'est ça. Fait que les jeux, ils suivent tranquillement cette tangente-là, puis si on regarde le nombre de jeux vendus dématérialisés, ceux qu'on télécharge directement sur nos consoles et qu'on les jette en ligne, et tu sais, il y a une augmentation depuis quelques années. Fait que tu sais, oui, il faut pas se leurrer qu'on va s'en aller vers là. Stadia, ben dans le fond, le Google Stadia, c'est un projet intéressant, oui, s'il reste encore comme qu'est-ce qu'ils vont s'en aller où, les prix, il n'y a rien là-dedans là-dessus. Malheureusement, est-ce qu'ils vont nous donner des braquettes, admettons, si on gratuit, tu as le droit à un jeu par année, à un jeu par mois, excuse-moi, ou si est-ce qu'on a, on paye, mettons, un 10$, on a accès à quelques jeux, ou est-ce qu'il faut acheter nos jeux, si on ne le sait pas. Puis encore là, tu sais, le côté de, le seul des, ben, le seul, oui, il y a la connexion, mais il y a aussi que tu n'as pas le produit, tu sais, tu payes pour un produit tout dépendant, puis tu ne l'auras pas. Fait que, tu sais, ça va faire ça aussi avec le Stadia, tu vas payer, mettons, tant par mois. S'il faut que tu ajoutes tes jeux, ça serait déplaisant parce que si la compagnie ferme, si Stadia ne marche pas et décide de tout fermer les jeux, ben, tu n'as plus ton jeu. Tandis que si tu payes pour un produit, un peu à la Netflix, oui, tu vas avoir justement des jeux que tu vas pouvoir jouer chaque mois, chaque ci, puis tu vas donner un gros truc. Ce qui est le fun, c'est que justement, tu regardes une vidéo, mettons, d'un ami jouer, puis tu appuies un piton, oups, tu t'en vas dans le jeu, tu joues, puis où t'es pris, tu peux aller justement voir avec Twitter, puis essayer de jouer là. Fait que tu sais, il y a des points positifs, des points intéressants qui. Bon, il y a même quelque chose d'intéressant de là. Est-ce que ça va prendre la place de la PlayStation, de Sony puis de Nintendo? Je crois pas. Pas tout de suite, en tout cas, tout dépendant. Mais ça va venir justement jouer un peu dans les cartes. Ils vont dire, bon, ben Google était là, pourquoi qu'on y va pas nous autres ici? Puis qu'on, ou ça va-tu donner eux-mêmes? Puis avec le comment qu'on appelle ça, le jeu entre les consoles, le crossplay qu'ils appellent, c'est qu'on peut justement, plus les compagnies commencent à faire ça pour pouvoir jouer, permettre à tout le monde de jouer PC, PS4, Xbox. Ensemble, fait qu'avec ça, on va s'en aller là, mais tu sais, on va perdre justement les exclus. Puis Sony, qu'est-ce qu'ils vont faire, mettons, avec une franchise comme MLB? Est-ce qu'ils vont l'offrir sur Stadia si ça s'en va là-bas, ou Sony va aussi offrir son modèle à lui en ligne? Puis tu vas avoir Stadia, tu vas avoir Sony, tu vas avoir Microsoft, et qu'à un moment donné, ça commence à faire choix pour le joueur. Il faut que tu choisisses ce qui est le mieux. Mais tu sais, Stadia, on connaît Google là, jusqu'à maintenant, ils offrent quand même quelque chose de qualité. Ils ont les serveurs pour offrir quelque chose de qualité. Puis, tu sais, tout ce qu'on entend jusqu'à maintenant, c'est qu'on a besoin d'une connexion d'à peu près entre 15 et 50 mégabytes. C'est pas donné encore, mais tu sais, t'as pas besoin de quoi de plus. Ben justement, c'est les serveurs de Sony qui vont de Google, qui vont faire toute la job, qui vont tout s'occuper de fournir le jeu. Fait qu'en théorie, t'es pas censé avoir de latence, pas censé avoir ça, mais ça reste à prouver encore parce qu'on avait, c'est Sony qui avait offert le PlayStation Nord jadis, puis ça marchait pas bien, là. Ça allait pas bien, ça laguait, t'as de la misère à jouer dans le jeu, les sauvegardes perdaient, fait que ça va rester là. OK. Mais moi, ce que je m'attends, c'est de voir Québécois, mais ce que je m'attends, c'est qu'éventuellement, ça s'en va vers là. Mais peut-être qu'on a. PS va avoir le temps de sortir sa PS5, puis. Ça, on a le temps, là. Ça va y aller. Les gens vont rentrer tranquillement cette année, puis après ça, on va voir. Parce que ça va être justement avec le c'est temps. C'est sûr que si tu lances une exclusivité, parce qu'on le voit, dans DAZN, dans le sport, DAZN qui est vraiment rendu en feu, qui a des exclusivités. Je sais pas c'est quoi les jeux qui fonctionnent beaucoup, là, mais moi je connais que les jeux de sport. Mais si tu vas chercher c'est quoi, c'est Call of Duty qui fonctionne beaucoup? Ah, ben, t'as les Call of Duty, c'est The Division, t'en as beaucoup. Si Google signe un Call of Duty exclusif, là, ça va partir en peur. Ah, ça oui, mais c'est les chances qui l'aillent, ça va être. Ouais, c'est ça. Sont rares, mais tu sais, oui, ils vont aller chercher des jeux, ils vont peut-être aller chercher des exclusivités de temps, des affaires de même, genre jouer là en premier sur Stadia ou peu importe, mais tu sais, ça va être vraiment. Jusqu'à maintenant, les jeux qu'ils allaient chercher, ils ont quand même des Assassin's Creed Odyssey qu'on a pu voir, il y a NBA 2K, puis effectivement, ils ont des jeux quand même. NBA 2K, ben. Ils ont pas marqué qu'ils avaient signé, mais on voyait dans l'annonce, lorsqu'ils annonçaient, une image de NBA 2K, on les voyait en logo. Fait que, tu sais, ils vont avoir le jeu dessus, ils vont-ils avoir l'exclus, on ne sait pas, mais ils vont pouvoir marcher dessus, comme le Google, pas comme Google, mais comme Assassin's Creed Odyssey devrait jouer dessus, comme un paquet d'autres jeux qui va se rajouter. C'est sûr que Va chercher Madden, puis tu vas voir que ça va que, c'est ça, juste ça, on va s'assurer des trucs, mais ça reste à voir le produit commun qui va marcher, qu'est-ce qui va valoir, puis est-ce qu'il va bien marcher? T'sais, oui, tu m'offres de quoi? Puis c'est sûr qu'il ne faut pas avoir. Ils ont été chercher Jade Raymond, une des tops, si on veut, dans ça, pour s'occuper de la branche jeu de Google. Fait que, il ne faut pas avoir peur de la qualité. C'est sûr qu'il va y avoir quelque chose avec elle qui va emmener quelque chose. Elle était chez Ubisoft avant, puis elle s'est promenée un peu. Fait que, c'est quelqu'un qui connaît le jeu puis qui aime le jeu, fait que ça peut juste être positif. Mais tu sais, de là, est-ce qu'on va ça va vraiment tout modifier, tout changer? La réponse est pas tout de suite, mais oui, éventuellement. Mais oui, comme tu dis, on devrait avoir notre prochaine Xbox, notre prochaine PlayStation, peut-être une future Switch éventuellement, mais tu sais, ça reste à voir ce qui va arriver avec le temps, puis quel modèle qu'eux autres vont décider. Est-ce que, tu sais, la PS5 va s'occuper juste, finalement, elle va avoir une approche plus en téléchargement ou une approche, elle va garder quand même son approche physique, ça reste à voir. Jusqu'à maintenant, les rumeurs parlent de qu'elle pourrait permettre de jouer de PlayStation 1 jusqu'à PlayStation 4 dessus sans problème, là, mais ça reste encore à prouver puis à voir. Là, c'est des rumeurs jusqu'à maintenant. On va être plus au courant, si on veut, en juin lors du E3, mais d'ici là, ça va... Tout va dépendre de la collection Internet. C'est là, c'est là que ça va se passer. C'est tout ce que c'est là, ça va se passer. Fait que si la collection plante, si ça demande... Mais on dit que, je voyais sur les... On disait que c'était plus puissant encore que la PlayStation. Ah oui, c'est pas ça. Les autres, ils ont des serveurs de fou. Là, chez Google, ils ont des serveurs. Mais ça va dépendre de la connexion de l'autre bout. C'est pas juste les serveurs. En théorie, ta connexion, comme je te disais tantôt, c'est ils vont aller chercher quelque chose entre 15 et 50 mégabytes de base. Mm. Fait que, tu sais, si t'as de quoi qui est stable, ta connexion est stable avec ça, puis elle fournit du 15 ou du 50 sans problème, tu devrais pas avoir de problème à jouer. C'est sûr que si jamais tu vas chercher du 8K, du 4K, des affaires de même, le jeu en ci, le jeu en ça, full qualité des graphiques, tout full, tu sais, c'est sûr que ça va demander plus à ta machine, mais à ta connexion. Parce que ta machine, là, on s'en fout. Et de la façon qu'il parle, tu peux même y jouer sur un cellulaire ou des trucs de même. Tout ce qu'il faut, c'est aller dans les serveurs de Google. Puis, comme je dis, Google, ils ont des villes en serveurs. Ils ont des trucs en quantité industrielle. Fait qu'ils n'ont pas peur, là, justement, d'avoir ça. Ils ont les places, ils ont les machines, ils ont les maisons. C'est juste des serveurs. Fait que, tu sais, ça leur dérange pas. Mais comment ça va marcher? Tout le monde branche en même temps, tout le monde joue en même temps, ça va rester à voir. OK. On s'en reparle, René, au prochain jeu. Il y a le tennis qui va sortir bientôt. Il y a d'autres jeux qui vont sortir. On se parle bientôt. C'est bon. René Cadieux, du site internet game-focus.com, la référence des jeux vidéo au Québec.